Attends. Ah, c'est comme ça. Attends. De toute façon, t'inquiète pas, je vais te venger. T'en fais pas, ils ont voulu jouer à ce jeu-là, maintenant ils vont perdre. Tu vas voir. T'inquiète pas, Renoir, t'inquiète pas. Parole de Cody. Ils vont morfler ces bâtards. Je vais les faire payer. Et merde. La violence a pris le pas. Ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. Nombreux sont ceux qu'on croyait censés. Putain, les gars, vous décollez. Et ont vite appris à danser. Nombreux sont ceux qui avaient tout pour la réussite. Mais la mort a besoin de très peu de choses pour qu'on la ressuscite. Nombreux sont ceux qui lèvent les armes quand la haine s'installe et puis crèvent les hommes. Certains s'embrouillent pour deux plaques, d'autres pour deux claques. Et soudain on entend les deux clics. On duplique nos destins comme des photocopies. Et si tu doutes, regarde ce que fait ton copain. Ou simplement regarde juste ce qu'on gobe à la télé qui fait qu'on a la haine dans les yeux jusqu'au globe. Par moments, je me dis que nos quartiers sont pires que des états dans la course à l'armement. La violence a pris le pas, ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. Et nos mères perdent la foi dans cette farandole. À croire qu'élever un enfant rend folle. Car ils vivent dans une réalité qui fait que la mère ne reconnaît plus le fils qu'elle aurait allaité. De voir que nos jeunes grandissent en brandissant le gun, c'est beaucoup moins attendrissant. La violence a pris le pas, ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas, les flingues mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas, et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Subtilement le système nous enferme dans la spirale de la violence. Avec virulence on vole des billets, conscient qu'on dévie on lance. Un SOS métier en enfer, personne ne peut intercepter. Un cri aussi imperceptible et poignant qu'une mère qui est intercertie. Victime de la traite et de la folie meurtrière d'un négrier. Bientôt fait d'étouffer leurs plaintes pour ne plus entendre les nouveaux nés crier. La violence est le seul héritage laissé par le colonisateur. Et bien que l'on signe notre mise à mort, c'est sur lui que l'on mise à tort. Atomisateur, après 400 ans elle veut que la plaie des miens saigne. Et non qu'elle cicatrise, même si ce cicatrice c'est ce qu'ils enseignent. Moins d'un frère sur 10 sème, ils sèment la haine et disséminent nos communautés sur chaque homme. Vois ce que dissémine. C'est l'amorce d'un génocide. Pour eux nous sommes moins qu'un gène nocif. Mais la haine on s'y fait. Ici quand les keufs viennent on siffle et riposte. Les racistes nous minent mais tu sais que c'est cette violence qu'ils banalisent telle la discrimination des sexes. Combien de meurtres d'hyopes c'est comptabilisé. L'idiope chez Kanta. Pour que change ta condition car si tu l'acceptes idiote c'est Kanta. Formaté pour intégrer la conscience de l'esclave et du captif. Car ils injectent la violence par le biais de leur système éducatif. Et quand la violence prend le pas, c'est le branle-bas de combat. Si on te tend un gun refuse fils prends le pas. La violence a pris le pas. Son langage apprend le pas. Ébranlé par la haine, on vise l'amour mais on n'y arrive pas. La violence a pris le pas, ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas, les flingues mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas, et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Je crois que c'est depuis qu'on est petit, qu'on rêve d'être flic ou même soldat. Nourri au film, on se flingue, on voit même pas que l'échec se solde là. J'ai grandi avec mon premier revolver. Ah mec, même faux, j'ai défouraillé à sec. Tout commence là dès le jeune âge. Je prends des rôles de personnages, j'ai l'air sur terre, mais personne sait que je nage. Dans le vide et dans le flou, j'ingurgite des films d'action comme un coffre vide qu'on renfloue. À la récréation, y'a pas de création. On reproduit les trucs bêtement avec une sacrée action. Les plus nerveuses distinguent du lot, souvent chef de groupe. Des engraineurs en fait, mènent l'équipe en entraîneur en tête. Combien de gamins comme moi souffrent derrière leur masque. Et font en sorte que leur modèle et eux ne fassent qu'un. Mais pour être craint, faut bien montrer que les actes suivent. Voilà comment ça s'active. La violence a pris le pas, ce sont les flingues qui mènent la danse. À présent je suis prêt, j'ai bien appris le pas. Les états brûlent, on me jette de tous les établissements. Je doute fort pour mon rétablissement. Mon arme de poing charme le coin. À présent dans mon quartier n'importe quel connard me craint. Les gars, tu me reconnais pas ou quoi? Ouais, Cody, vas-y. Tu sais pas qui je suis ou quoi, hein? La violence a pris le pas. Ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Les flingues mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. La violence a pris le pas. Ce sont les flingues qui mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Les flingues mènent la danse. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas. Et nombreux sont ceux qui ont appris le pas. La violence a pris le pas.